L'alouette. Monsieur le curé Tondet, haut de taille et sec de corps, assez mal bâti du reste, était cependant fort homme de bien. Un jour qu'il avait, après sa messe, travaillé dur à son jardin et planté à perche 3 plates-bandes de pois blancs, il s'en revint déjeuner à sa maison. Sa servante, vu le beau temps, avait mis la nappe à carreaux rouges et blancs sous le cerisier au milieu de la cour. Et elle lui servit une bonne, belle, grande et pleine platelée de lait, tout fraîchement caillée, qui se coupait par éclats comme une fine gelée crémeuse. Or, tandis que monsieur le curé mangeait, et peut-être un peu vite à l'aide de sa grande cuillère à peau, voici qu'une alouette, sans doute poursuivie par quelque émouché, se laissa choir dans la soupière, et si subitement que le bonhomme, n'ayant pu distinguer au juste ce qui lui tombait ainsi, pensa que c'était une cerise mûre détachée de l'arbre du coup de bec d'un moineau gourmand. Il continua son repas, et voilà qu'il avala, sans la voir, la pauvre alouette, à même la crème sûre. Ce n'est que 2 heures après que monsieur le curé s'avisa de la vérité en sentant l'oiseau voleter dans son ventre. Et s'il n'eût fermé la bouche et instamment serré les fesses, il avoua par la suite qu'elle se fût trouvée maintes fois bien près de se sauver. Pour gober l'huître, il faut l'ouvrir. Pour manger l'oiseau, le rôtir.